Elle t'a baisé une fois pour les billets. T'as fait l'amoureux alors qu'on t'a dit que c'était une bitch. Négro triple violence urbaine comme Eliam. Oh, le brolic fait des siennes. Elle t'a baisé une fois pour les billets. T'as fait l'amoureux alors qu'on t'a dit que c'était une bitch. Négro triple violence urbaine comme Eliam. Oh, le brolic fait des siennes. Cipriani, c'est la vie, tatoué comme Kelani. 10 000 dirhams pour la nuit, ma chérie, jamais de la vie. Ma skydweller fait 40, le dis pas à mes parents. T'es personne, tu te justifies comme les mecs sur Ableton. Oh, bébé, j'suis grave coté. Regarde comment j'tiens le Kohiba, j'peux pas crapoter. C'est la dernière fois que j'me dis que c'est la dernière fois. Franchement, quand maman aimait la télé, elle me voit. 98, j'mets que du sang, plomb. Avec Oumar, dans le 911. VIP, 40 vixen. Tous les lundis, j'pars en week-end. Elle t'a baisé une fois pour les billets. T'as fait l'amoureux alors qu'on t'a dit que c'était une bitch. Négro triple violence urbaine comme Eliam. Oh, le brolic fait des siennes. Elle t'a baisé une fois pour les billets. T'as fait l'amoureux alors qu'on t'a dit que c'était une bitch. Négro triple violence urbaine comme Eliam. Oh, le brolic fait des siennes. Voilà l'adresse, mes négros sont chauds comme la braise. Je fais partie de ceux qu'on appelle quand y'a drap, pas de ceux qu'on agresse. Le GTS est sur le parking, donc elle est tactile. Elle dit que je suis frais si j'étais pauvre. Elle aurait dit qu'elle préfère les light skin. Dehors il caille sa mère, dehors il caille sa mère. Au quartier savant les cailles sa mère. Belek à la fille caille sa mère. Dehors il caille sa mère, dehors il caille sa mère. Au quartier savant les cailles sa mère. Belek à la fille caille sa mère. Dehors il caille sa mère, d'eau argentée collée sur le mur. Tu sais qu'on travaille la verre, tu sais qu'on travaille la dure. Dehors il caille sa mère, d'eau argentée collée sur le mur. Tu sais qu'on travaille la verre, tu sais qu'on travaille la dure. Le conseiller bancaire clair, j'ai jeté la pâtèque dans la fouille. Je me tuerai à la son espèce, en fermant l'état nous casse les couilles. Appliqué depuis le grenaille, et c'est moi qu'on applaudit. Je reviens de ta part où j'ai coupé le mobile. Dis quoi j'ai le mauvais profil, hein. Mais comme j'ai beaucoup coffré, ces pédales voudraient se coller. Je voulais le bénéfice, je l'ai eu mais j'ai perdu trop de frères. Et toi je ne côtoyais trop le four. On recomptait que pour être sûr. Les cigarettes viennent de Andorre, coutisées pendant la gestu. Si c'est du carrosse c'est Vuitton. Quel jour on est je sais plus. Beaucoup trop de bif, beaucoup trop de bitches dans la HSE. Extinte à gaz, porte de clic, on retourne chez eux. Y'a des stories, des trucs horribles, j'connais la chanson gros. Des armes à feu, de la chevrotine et du camas en gros. J'investis trop, j'suis dans les couilles, j'parle pas noachi. Part pour parle avec des fournisseurs en rate. On voit l'adresse, mes négros sont chauds comme la braise. J'fais partie de ceux qu'on appelle quand y'a drap, pas de ceux qu'on agresse. Le GTS est sur le parking, donc elle est tactile. Elle dit que j'suis frais si j'étais pauvre. Elle aurait dit qu'elle préfère les light skin. Dehors il caille sa mère, dehors il caille sa mère. Au quartier savant les cailles sa mère. Belek à la fille caille sa mère. Dehors il caille sa mère, dehors il caille sa mère. Au quartier savant les cailles sa mère. Belek à la fille caille sa mère.